On est mal dans ce pays. J'suis comme Palmyre sur un chèque mal payé. Comme un sniper de Kamaké, on casse le bif. J'dois que les keufs, la gauche mérite des droites, j'vote au pire. Que le Pen viole le mari de son fils. L'Afrique roule de gueule, car on s'est fait péter par les whites. J'parle à Watts, la France plie en 8. I want. Trop mécra dans ce grand pays de var creux. L'obscurité cache de mauvaises choses, j'les creux. Prière aux frères fiers d'éviter les barrières, carrière. Un frère musulman fit au mitard pour un tapis de prière. Palpé les yébis, au pays du papier, c'est écrit comme un foyer bi. J'ai le repeu, ferais-tu la queue à la poste pour un timbre. Vu l'ombre, t'es pas timbré. Vu que portant la queue, c'est pour les tapeux. L'argent n'a pas d'odeur, mais vous le sentez quand il est sale. Bande de sales, bâtard d'escrocs, vous nous poussez à remplir les salles. Le destin est tracé, l'épiderme nous a trahis. Je respire la haine, faut percer les nids, bravo qu'on crève. Sortir les griffes, je crève ma haine. Attrape la discrimination lors des grèves. Le destin est tracé, l'épiderme nous a trahis. Je respire la haine, faut percer les nids, bravo qu'on crève. Sortir les griffes, je crève ma haine. Attrape la discrimination lors des grèves. Passe-moi le pic, fais stylo beat. T'as intérêt, est-ce qu'il beat? Zero Star Trek qui a atterri. J'ai passé le 31 dans une Clio, c'est terrible. Ton terre impéré et l'empousse des craintes du foyer. Cache ton ré, je caton et ripé. Entraîne sous les robes, chez nous c'est fait draper, ripé. Et je répète, entraîne sous les robes. L'Africain de l'Europe, smoke, a passé le mot smic. Et le soir a juré sur la Mecque. Ces mecs sneak chez des minches, à faire des smacks assez donc. Ça tombe, ça sort aux acidiques. Passer le temps à vouloir baiser le mari de sa belle-sœur, c'est sadique. Ou plutôt satanique, plus sûr comme tragique. Toujours un certain le blé, sûr sous ta nuque, spanche la future. Arme de crime, procédure pour que l'arnaque prime. J'suis gravé ce crime sur les poings et sa crime. D'être cramé ma crème de vie au chrome, ça cède pas. On est lié, polyvalente, l'avant-centre, on est lié. On a lieu, la patate, on a lien. Le destin est tracé, l'épiderme nous a trahis. Je respire la haine, faut percer l'énigme avant qu'on crève. Sortir les griffes, je crève ma haine. Aggrave la discrimination lors des crèves. Un jour près, elle m'a dit, y'a que les enfants qui savent rire. En fait, je fais souffrir mon sourire, c'est ça, frère. Le destin est tracé, l'épiderme nous a trahis. Je respire la haine, faut percer l'énigme avant qu'on crève. Sortir les griffes, je crève ma haine. Aggrave la discrimination lors des crèves. Le destin est tracé, l'épiderme nous a trahis. Je respire la haine, faut percer les nègres avant qu'on crève. Sortir les crèves, je crève ma haine. Aggrave la discrimination lors des crèves. L'histoire, ceux qu'à l'école au cours d'histoire, ils racontent leurs histoires. Nous font des histoires et toi surtout fais pas d'histoire. Pareil qu'on est malade, pour enfoncer les toiles, les suppositoires. Vaut mieux jamais que tard, les auditoires, j'aime éditer. Seule la lutte libère, méritez-le, méditez. Mais que E de E, test milité. J'parle pas de cas, mais de shit. Mélange pas merde et gîte, en déchire pas le choix, vérité déçu. En tâche, je le suis, dans ce pays de teuge, grimpé à l'étage. Parmi le blanc, je suis une tache, vert, je le suis quand je vois couler le rouge des frères noirs et peur, eux, derrière leur sourire jaune. Bute la pousse, perce ce chemin, perplexe, persiste, à en perdre le pire. Les armes ou les pierres, la guerre ou la vengeance, les créoles, les armes pleurent, la pureté des morts et le drame. Le destin est tracé, l'épiderme nous a trahis. Je respire la haine, faut percer les nègres avant qu'on crève. Sortir les griffes, je crève ma haine. Aggrave la discrimination lors des grèves. Le destin est tracé, l'épiderme nous a trahis. Je respire la haine, faut percer les nègres avant qu'on crève. Sortir les griffes, je crève ma haine. Aggrave la discrimination lors des grèves. Le destin est tracé, l'épiderme nous a trahis. Je respire la haine, faut percer les nègres avant qu'on crève. Sortir les griffes, je crève ma haine. Aggrave la discrimination lors des grèves. Le destin est tracé, l'épiderme nous a trahis. Je respire la haine, faut percer les nids avant qu'on crève. Sortir les crèves, crève ma haine. Aggrave la discrimination lors des grèves. Le destin est tracé. Sous-Ax, Gaze, Scalper Ramirez, NCC, Neal Patch, Coach Dollar, Nino Lgut, Sous-Ax, Wawa, Neal Patch. Le destin est tracé. NCC, mec, Wawa, YKKBE, Maurice. Attrape la discrimination lors des grèves. Néanmoins, si mec.